Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi, c'est l'heure de votre consultation chez Dr Disco et Mr Funk. On enchaîne sans perdre de temps avec la découverte. Aujourd'hui, j'ai choisi Kerry Lucas et son titre Dance With You, sorti en 1979. Il est extrait de l'album Kerry Lucas in Danceland, sorti la même année. C'est l'une des seules chansons que la postérité a retenue de cet artiste et je vais vous la faire découvrir maintenant. C'est parti! On va continuer notre rubrique des 100 hits avec aujourd'hui First Choice et leur titre Let No Man Put Asunder. Ce trio féminin sort des titres disco depuis 1973, ce qui fait d'elles les représentantes officielles du Philadelphia Disco Soul. La composition du groupe change sur chaque album. Rachel Fleming et Annette Guest sont les seules à figurer sur tous les disques. En 1977, elles signent chez Harris et un album sort cette même année, Delusion. Le choix des singles, il va se porter sur Dr. Love et sur Love Having You Around, une reprise de Stevie Wonder. Let No Man Put Asunder ne figure même pas sur une face B, mais les DJ, ils sont malins, ils l'ont bien vite repéré et ils le placent utilement lors de leur soirée. La chanson parle d'une femme qui retient son amant et qui refuse leur rupture. Ce n'est pas fini entre nous, je ne veux pas être célibataire, chante Fleming de sa voix gospel. La phrase de refrain traduite par « Ce qui a été joint par Dieu ne laisse aucun homme le séparer », tirée des évangiles, confirme l'attachement à la religion des musiciens noirs de l'ère disco. Walter Gibbons est le premier à réaliser un remix en 1979, en mettant en relief les voix et le beat. Le morceau sera de nouveau remixé en 1983 pour devenir un classique du genre. Prêt pour l'écoute ? Allez, c'est parti ! Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Bon, inutile de vous dire que je vous ai passé la version remixée, bande de petits vénards. Alors on va maintenant passer à notre rubrique reprise. Aujourd'hui, j'ai choisi The Spinner et leur titre Walking My Way Back to You, paru en 1980. Alors à l'origine, c'est une chanson écrite par le groupe The Four Seasons, paru en 1966. Alors comme beaucoup, c'est une chanson qui parle d'amour, de regrets, de remords. La reprise des Spinners va atteindre la première place des hits anglais et la seconde des Américains. Je suis sûr que l'air va vous rappeler quelque chose, réfléchissez bien, écoutez bien. Le boys band Boyzone avec Alliage l'a réinterprété en 1997 sous le titre « Te garder près de moi ». Allez, c'est parti! Alors pour le maxi du jour, on va écouter un groupe qui n'a pas encore eu l'honneur d'être diffusé, le bien nommé D-Train. Aujourd'hui à l'honneur le morceau Keep On, sorti en 1982. Le groupe est américain et le nom vient du chanteur qui le compose, James D-Train Williams, surnom qu'on lui attribuait durant sa jeunesse à cause de sa puissance au football américain. Le titre, eh ben, il a un son bien 80s. Alors par contre, durant ma préparation de l'émission, j'en ai découvert un autre qui sera bientôt diffusé en pépite. Ah, là, je vous garantis que c'en est une. Envoyez le maxi! C'est le moment que vous attendez tous, la pépite. On va écouter Terence Trent D'Arby, qui est un habitué de la rubrique. Et c'est toujours le même album, allez-vous me dire? Eh bien oui, car il regorge de tubes. Il s'agit bien sûr de Introducing the Hard Line According to TTDA, sorti en 1987. On a déjà écouté Wishing Well, Dance Little Sister, et bien on va enchaîner sur If You Let Me Stay. C'est le premier single paru au nom de l'artiste et qui l'a fait connaître. Morceau qui bouge pas mal et qui va servir de conclusion à notre émission. Bonne dégustation. Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Cause I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. Alors il est temps de se quitter, j'étais ravi de passer ce moment avec vous, je vous dis bon dimanche, à la semaine prochaine, bye bye.